paroles de Socrate. Fable numéro 17 des Fables de La Fontaine, livre 4e. Enregistré pour LibriVox.org par Jean Lambert. Paroles de Socrate. Socrate, un jour, faisant bâtir, chacun censurait son ouvrage. L'un trouvait les dedans, pour ne lui point mentir, indigne d'un tel personnage. L'autre blâmait la face, et tous étaient d'avis que les appartements en étaient trop petits. Quelle maison pour lui! L'on y tournait à peine. Plutôt au ciel que de vrais amis, telle qu'elle est, dit-il, elle put être pleine. Le bon Socrate avait raison de trouver pour cela trop grande maison. Chacun se dit ami, mais fou qui s'y repose. Rien n'est plus commun que ce nom, rien n'est plus rare que la chose. Fin de la fable numéro 17 de La Fontaine, Paroles de Socrate. Cet enregistrement fait partie du domaine public.